Galates chapitre 3. Ô Galates insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant dépeint devant les yeux, et comme crucifié entre vous? Je voudrais seulement entendre ceci de vous, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensés, qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous donne l'Esprit, et qui produit en vous les dons miraculeux, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Comme Abraham a cru à Dieu, et il lui a été imputé à justice. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi, sont enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant, que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé Abraham, en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui sont de la foi, sont bénis avec le fidèle Abraham. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque ne persévère pas, dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. » Or, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit, que le juste vivra de la foi. Or la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses, vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham, parvint aux gentils par Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Mes frères, je vais vous parler à la manière des hommes, si une alliance faite par un homme, est confirmée, nul ne la casse, ni n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence. Il n'est pas dit, et aux semences, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta semence, qui est Christ. Voici donc ce que je dis, c'est que quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi qui est venue 430 ans après, ne peut point l'annuler, pour abolir la promesse. Car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la semence à l'égard de laquelle la promesse avait été faite, et elle a été ordonnée par les anges, par le ministère d'un médiateur. Or le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi donc a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement. Car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement la justice serait de la loi. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le conducteur. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Où il n'y a ni juif, ni grec, où il n'y a ni esclave, ni libre, où il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, et héritier selon la promesse.